إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إنكم تستقبلون شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن وفرض علينا فيه الصيام قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وينادي مناد يا فاعل الخير أقبل ويا فاعل الشر أقصر إن قدوم شهر رمضان يستحق منا وفادته بأتم استقبال ومدار ما يحصل فيه أو ما يحصل به الانتفاع في استقباله أربعة أمور أول هذه الأمور الدعاء قبله قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ومدار الدعاء النافع في استقبال رمضان ثلاثة أنواع أحدها دعاء العبد ربه أن يبلغه شهر رمضان فيدعو الله عز وجل اللهم بلغنا رمضان وثانيها دعاء العبد ربه أن يوفقه فيها لصالح الأعمال فيدعو ربه اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وما تحب من سائر الأعمال وثالثها دعاء العبد ربه أن يجعله فيه من المتقبلين وأن يختم له بالعتق من النيران فيدعو ربه قائلا اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين واختم لنا بالعتق من النيران الأمر الثاني في استقبال رمضان استقبال رمضان بالنية الخالصة على عمل الخير بأن يجمع العبد قلبه أن يعمل في رمضان الصالحات قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله يا عبد الله انوي خيرا فإنك إن لم تعمل فنية الخير لك عمل والنية النافعة في استقبال رمضان نوعان نية مجملة بأن ينوي أن يستكثر فيه من الخيرات ونية مفصلة بأن ينوي العبد فيه أنواعا يعينها في قلبه من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وإحسان. الأمر الثالث أن يهيئ العبد نفسه بتبصيرها بأن منفعة العمل فيه صالحة لنفسه، فينبغي عليه أن يغتنم ما وسع الله فيه وفسح من أجله وما أبقى له من قوته في الأعمال الصالحة. يحركه إلى ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله سبحانه: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وقوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقوله سبحانه: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. واعلموا رحمكم الله أن العبد إذا عقد عزمه على ذلك معرفا نفسه بأن الخير لنفسه، وإذا اكتسب شرا فعليها، بعثه ذلك إلى اغتنام أوقات رمضان بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت تلك النية سدا منيعا يحوته من السيئات. والأمر الرابع أن يهيئ نفسه بمعرفة أحكام الصيام. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مخلصا وكان محسنا في دينه. والإحسان في الدين يكون بالسلوك فيه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقادم إلى رمضان يحتاج إلى تعريف نفسه بأحكام الشرع في رمضان، فيتعلم ما يتعلق فيه بأحكام الصيام وغيرها، حتى إذا عمل كان عمله صوابا. فإن العبد يجب عليه أن يقدم بين يدي ما يجب عليه من العمل العلم الذي يتعلق بذلك العمل. فمن وجب عليه صيام رمضان وجب عليه أن يتعلم ما يتعلق به من الأحكام. عباد الله، إن شهر رمضان موسم كريم للفوز بمغفرة الغفور الرحيم، إذ أرصد الله سبحانه وتعالى فيه أبوابا عظيمة من المغفرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق من وفقه الله عز وجل إلى إصابة سهم من هذه البحور من المغفرة، والمحروم من حرم نفسه من أبواب الخير التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة أعمالكم وقوة أبدانكم، واجتهدوا في استقبال شهر رمضان بعقد النية فيه على الأعمال الصالحات والازدياد من الحسنات، وحاذروا أنفسكم فيه من السيئات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, serviteurs d'Allah, craignez Allah, car vous approchez maintenant du mois de Ramadan, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et il a rendu obligatoire pour nous de le jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie le mois du Ramadan dans lequel il a fait descendre le Coran, une guidance pour les hommes et une clarification de la guidance et du discernement. Alors quiconque est témoin de ce mois alors qu'il le jeûne. Ce mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et dans lequel les portes de l'enfer sont fermées et dans lequel les diables sont enchaînés et on appelle en disant « Ô toi qui veux faire le bien, approche. Ô toi qui veux faire le mal, retiens-toi. » Et donc, l'approche de ce mois béni mérite de notre part qu'on l'accueille de certaines manières et pour qu'on puisse en profiter pleinement, il est recommandé de se concentrer sur 4 points plus importants. Premièrement, le premier point concerne l'invocation avant le Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation c'est l'adoration. Et donc, l'invocation qui est bénéfique, elle tourne autour de 3 catégories en ce qui concerne l'approche du mois de Ramadan. Et la première chose parmi ces 3 catégories, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre jusqu'au mois de Ramadan et nous permette d'atteindre le Ramadan. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala et en disant « Oh Allah, aide-nous à atteindre ce mois et donne-nous le succès de pouvoir y faire des bonnes œuvres. Aide-nous à atteindre le mois de Ramadan. » Deuxièmement, c'est de demander à Allah de nous donner le succès dans le mois de Ramadan, de pouvoir faire pendant ce mois les bonnes œuvres et de nous écarter des péchés en disant « Oh Allah, aide-nous à faire ce jeûne et à prier les nuits et à faire les bonnes œuvres. » Et bien entendu aussi à s'écarter de ce qui est interdit. Et la troisième catégorie, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait les bonnes œuvres, qu'il les accepte de notre part. Parce que le croyant ne doit pas prendre pour acquis quoi que ce soit de ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit toujours être dans la crainte de vis-à-vis de ses actions, à savoir est-ce qu'elles seront acceptées ou non. Et donc, le serviteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ses œuvres soient acceptées et qu'il termine ce mois en étant parmi ceux qui ont été délivrés de l'enfer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala cela. La deuxième chose qui est importante au sujet de l'accueil du mois de Ramadan, c'est d'accueillir ce mois qui arrive avec une intention qui est pure pour Allah subhanahu wa ta'ala et une intention de faire les bonnes œuvres dans ce mois béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos intentions et il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et donc, si on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, innama al-a'malu bin-niyyat. Donc vos œuvres, les œuvres que vous faites, ne seront récompensées par Allah que selon votre intention. Et donc si votre intention est bonne, est sincère, est pure, eh bien elle sera acceptée par la permission d'Allah. Tant que ce que vous faites est en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui sont importantes vis-à-vis de l'intention, c'est que si quelqu'un avait l'intention de jeûner le mois de Ramadan et que par la suite il tombe malade ou bien que par la suite il meurt ou que par la suite il lui arrive quelque chose qui l'empêche de jeûner, mais il aura tout de même la récompense parce qu'il a eu l'intention de faire cette bonne œuvre. Et une autre chose importante aussi également, c'est lorsque tu fais des bonnes œuvres, de faire ton possible pour avoir l'intention spécifique et l'intention générale. L'intention générale de faire le Ramadan et l'intention spécifique de faire différentes œuvres dans le mois de Ramadan, comme le fait de prier le Tarawih, le fait de réciter le Coran, le fait de donner en sadaqat, de donner aux pauvres, d'aider les gens et de faire preuve de bonté de façon générale à tout le monde autour de nous. La troisième chose qui est importante de se rappeler dans le Ramadan ou bien dans l'approche du Ramadan, c'est de se préparer soi-même en réfléchissant au fait que tout ce qu'on fait de bien, c'est pour nous-mêmes, et tout ce qu'on fait de mal, c'est contre nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans plusieurs versets dans le Coran, que quiconque fait du bien, c'est pour lui-même qu'il le fait. Et quiconque fait du mal, c'est uniquement contre sa propre âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que il dit ce qui signifie, et celui qui voit clair, c'est pour lui-même. Et celui qui s'aveugle, c'est contre lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos de l'âme, celui qui l'a purifié a certes réussi, et celui qui l'a souillé a certes perdu. Et il dit également ce qui signifie, quiconque a cherché la guidance, c'est pour lui-même, et quiconque s'est égaré, c'est contre lui-même. Et donc, lorsque le serviteur est conscient de ça, et il a réalisé cette signification en lui-même, eh bien, à l'approche de ce mois de Ramadan, il va faire son possible pour faire en sorte d'être dans le bien et de faire le bien et de s'écarter du mal. Et la quatrième chose, c'est que le serviteur fasse des efforts à l'approche de ce mois de Ramadan pour commencer à étudier ou reviser les règles du jeûne du Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime que lorsqu'on l'adore, on l'adore de la façon qui est correcte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et quiconque, ou bien plutôt qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage et qui fait preuve d'excellence dans son adoration. Celui qui est muhsin, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec conscience, avec présence de cœur, avec perfection. Et donc ça implique de faire les œuvres qu'on fait selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et selon sa sunnah, et de s'écarter des innovations en même temps aussi. Et donc la personne qui approche du Ramadan et le musulman qui veut faire un bon Ramadan, il va étudier les règles du Ramadan. Puisque chaque adoration que le musulman fait, avant de la faire, il essaie d'étudier et d'apprendre les règles qui s'y rattachent, pour être certain que son adoration sera faite correctement. Et de ne pas faire comme ceux qui font des œuvres de n'importe quelle manière, puis qui, après les avoir faites incorrectement, viennent poser la question par la suite: est-ce que j'ai fait ça correctement, ou comment je dois faire pour réparer mon erreur, j'ai commis telle erreur ou telle chose. Donc la personne sage, elle apprend en premier et elle pratique en deuxième. Mais la personne qui n'est pas sage, elle pratique en premier et elle apprend en deuxième, et elle se trompe en agissant ainsi. Serviteur d'Allah, le mois du Ramadan est un mois qui est rempli de pardon et de miséricorde. Et donc le musulman doit faire beaucoup d'efforts pour obtenir de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon pendant ce mois. Et il y en a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'occasions pour le faire ce jour-là. puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui jeûne le mois du Ramadan en ayant la foi et en espérant d'Allah la récompense, Allah va lui pardonner tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et il dit également, celui qui a prié les nuits du Ramadan avec foi et en espérant d'Allah la récompense, il aura également tous ses péchés précédents qui lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien ses péchés précédents lui seront pardonnés également. Et quand on dit les péchés précédents, ce sont les petits péchés que le serviteur commet. En ce qui concerne les grands péchés, eh bien ça demande et ça nécessite de la part du serviteur une repentance sincère. Et les conditions de la repentance sincère sont premièrement d'avoir le remords, deuxièmement d'avoir la ferme détermination de ne plus recommencer, et bien entendu, troisièmement, de cesser immédiatement le péché en question. Et si le péché concerne le droit d'un autre parmi les musulmans ou un autre parmi les serviteurs d'Allah, eh bien, il doit, dans ce cas-là, réparer le tort qu'il a commis envers cette personne. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a volé, eh bien, il doit réparer ce péché en réparant et en rendant le bien qu'il a volé à la personne à qui il l'a volé. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas, même s'il s'est repenti. Donc ça, c'est les conditions de la repentance pour le musulman qui a commis un péché. Et ça, c'est mentionné dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Min ramadanin ila ramadan » مغفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. C'est-à-dire d'un ramadan jusqu'à l'autre, il y a un pardon pour les péchés tant que la personne s'est écartée des grands péchés, c'est-à-dire les péchés capitaux. Et sachez, serviteurs d'Allah, que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès d'avoir profité de ces occasions bénites pour faire des bonnes œuvres et pour demander le pardon d'Allah, eh bien certes, il augmentera en bonnes œuvres et il profitera de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera heureux au jour de la résurrection de trouver dans la balance de ses bonnes œuvres tous les efforts qu'il a faits. Donc ce sont des efforts qui sont minimes et qui sont courtes de notre part, et donc il faut faire preuve de patience et d'endurance lorsqu'on les accomplit, ces adorations là et la récompense pour ça, elle est immense et elle est énorme, et on le réalisera uniquement seulement que le jour où on verra notre balance au jour de la résurrection remplie de bonnes œuvres et de piété. Et ce jour là sera un jour de réjouissance pour le croyant au jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.